يفعلها متى يشاء سبحانه وتعالى. مثال ذلك العلم أو العلم والخلق. العلم دائما الله عز وجل عنده العلم دائما، والخلق يخلق متى يشاء وإذا يشاء يخلق. مثلا مثال آخر السمع والعطاء. الله عز وجل يسمع دائما أبدا ويعطي متى يشاء سبحانه وتعالى. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا صفة ذات. العطاء أو السمع متعلق بذات الله عز وجل، دائما عنده هذا. أما العطاء متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Donc on a vu que les attributs... Exactement. La différence entre ces deux attributs, c'est quoi? C'est qu'il y a des attributs qu'Allah a tout le temps eu. Il est tout le temps décrit par cela. Et d'autres, il est décrit par cela. Il a tout le temps eu cet attribut, mais il le fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, un exemple ici, on a dit As-Sam'a, l'ouïe. Allah entend tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment où Allah n'entend pas? Abadan. Al-Khalq, la création. Ou Al-Ata, le fait de donner à ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il donne tout le temps? Il donne tout le temps Allah? Là. Il donne quand il veut. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font dua, Allah ne leur donne pas. Donc, c'est quoi la différence entre ça et ça? L'attribut qu'Allah a tout le temps, on appelle ça sifat dhat, attribut d'entité. Et l'attribut qu'Allah fait quand il veut, on appelle ça sifat fi'l. Yaf'aluhu mata yasha. فالله عز وجل لم يزل خالقا ولكن يخلق متى يشاء. لم يزل معطيا ولكن يعطي متى يشاء. أما السمع والبصر والعلم دائما سبحانه وتعالى. الرحمة يرحم من يشاء ويرحم متى يشاء، لذلك لا يرحم الكافرين سبحانه وتعالى. للرحمة الخاصة، إن الرحمة تنقسم إلى رحمة عامة ورحمة خاصة. Ce que tu viens de dire, c'est fi'li. Ouais. Rahma. Rahma, c'est fi'l. Sifat fi'l. Pourquoi? Parce que l'attribut d'action, c'est un attribut qui dépend de sa volonté. Et l'attribut d'entité, c'est un attribut qui dépend de son entité. Tant qu'Allah est là, cet attribut est là. Subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut d'action, c'est une chose qu'Allah fait quand il veut. Il dépend de sa volonté. Allah a toujours eu cet attribut, mais il le fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours été créateur, même avant d'avoir créé les cieux et la terre. Mais quand il a voulu créer, il a créé. Allah a toujours été pourvoyeur, toujours été donneur, mais il donne quand il veut. Et quand il veut, il donne pas. Il crée quand il veut, et quand il veut, il crée pas. La différence entre l'une et l'autre, c'est sifat fi'l ou sifat dhat et sifat fi'l. Donc maintenant, des exemples d'attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taqaddama, comme on a vu, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux. Maintenant, des exemples justement de sifat dhat du Coran, des exemples. Et il nous a répondu avec plusieurs versets qui nous montrent des attributs qu'Allah a, tabaraka wa ta'ala. Mithlu qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc le premier exemple d'attribut qu'Allah a tout le temps, le verset dans lequel Allah nous informe que les Yahoud ont dit que la main d'Allah est fermée, Allah leur a répondu en disant mais non, au contraire, les deux mains d'Allah sont tendues, il dépense comme il veut, il donne comme il veut. Il y a un attribut dans ce verset. Quel est-il? Ma sifat al-madkura fi hadhihi al-aya. La aliyat. Aliyat. Sifat aliyat. D'accord? Et nous, on est en train de voir ici des exemples de sifat dhat dans ces versets-là. Allah Azza wa Jal, min sifatihi Azza wa Jal, aliyat. La huyat kamila, tabaraka wa ta'ala, la shabiha la. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير subhanahu wa ta'ala. Rien n'est semblable à Allah, et c'est lui qui voit tout et entend tout, azza wa jal. Et ici, il nous montre qu'il a un attribut de dhat, un attribut d'entité, qui est la main, sifatul yad. Wa hadhihi sifa ja'at fil Qur'an bi sighati al-ifrat wa sighati al-muthanna wa sighati al-jam'. Cet attribut est venu pour Allah azza wa jal dans le Qur'an au singulier, au duel et au pluriel. Au singulier, قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Allah a dit que béni soit celui dans la main duquel il y a la royauté. Donc ici on parle d'une seule main. Dans ce verset là on parle de deux. بل يداه مبسوطتان. On parle de deux. Ces deux mains sont tendues. Et dans le verset de sourate Yassin, مما عملت أيدينا, on parle de plusieurs. Que ce que nos mains ont fait. Donc des fois Allah Azza wa Jalla nous dit une, des fois deux, des fois plusieurs. Comment on rassemble tous ces textes pour comprendre? Parce qu'on doit connaître Allah. On doit comprendre qu'est-ce qu'Allah veut nous dire. Si Allah il nous parle dans le Coran avec ses versets, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand Allah Azza wa Jalla إذا ذكر لنا صفة اليد بصيغة الإفراد هذا لبيان نوع الصفة la adad sifa. Quand Allah Azza wa Jal nous parle de la main dans le Coran au singulier, c'est pour nous dire qu'il a cet attribut. Mais il ne nous a pas encore dit combien. Subhanahu wa ta'ala. Ay lahu yad. Walakin al-adad la nadri hatta naqra ayat ukhra. Quand Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de plusieurs, quand il dit mimma amilat aydina والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. Allah Azza wa Jalla dit qu'il a plusieurs. Ici plusieurs. Il veut dire deux. Il veut pas dire plus que deux. Pourquoi? Parce que les Arabes qui parlent le vrai arabe, quand عندما العرب عندما يستعملوا الإفراد أو عندما يستعملوا الجمع قد يريدون غير الإفراد وغير الجمع ولكن إذا استعملوا المثنى لا يريدون إلا المثنى. Lorsque les Arabes, de l'arabe pur, emploient le singulier, ils peuvent vouloir dire autre chose, plus. Et lorsqu'ils emploient le pluriel aussi, ils peuvent vouloir dire autre chose aussi. Mais lorsqu'ils emploient le duel, ils ne veulent que le duel. Ils ne veulent que le duel. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني. La deuxième chose, c'est que dans la langue arabe, des fois, quand on fait al-idafa, il a damir, à la kulli hal, dans la langue arabe, quand on prend, on voit ici par exemple, aïdi na, adafa, Allah Azza wa Jalla, al-aïdi, il a damir na. Allah Azza wa Jalla, ici, il a dit nos mains. Il a annexé les mains. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ils écoutent le résultat de ce qu'on va dire. Allah Azza wa Jalla, il l'a annexé. Et dans la langue arabe, pour que ça soit plus facile à prononcer, quand il y a une annexion, on annexe le pluriel, même si on parle du duel. مثال ذلك قال عز وجل عن صفية وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هل صفية لها القلبان أو عيش لها قلبان؟ قال الله عز وجل وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله عز وجل ici quand il parle d'une histoire qui s'est produite avec Aïcha et Safiya, avec le prophète alayhi salam, il leur a dit si vous vous repentez à Allah, alors vos cœurs ont penché. Sans regarder de quoi Allah y parle, ce qui nous intéresse maintenant tout de suite, c'est Allah il a employé qulub, le pluriel. Alors qu'il parle à deux femmes, Aïcha et Safiya. Aïcha et Safiya, à deux, ça fait combien de cœurs? Ça fait deux. Allah, il a pas dit qalban, il a dit qulub. Plusieurs cœurs. Walakin man murad, qalb Aïcha wa qalb Safiya. Wahuma qalban. Walakin Allah qal qulub. Bisabab l'idafa, qulubukuma. Li'annahu ashal fil lisan. Parce que c'est plus facile à prononcer. Donc, ce qu'on retire de ça, c'est que lorsque les Arabes emploient le singulier, ils peuvent vouloir dire autre chose. C'est comme dans l'ayah wa qadar. Lorsque les Arabes emploient le singulier, ils peuvent vouloir dire autre chose. Lorsqu'ils emploient le pluriel, ils peuvent vouloir dire autre chose. وَلَكِنْ إِذَا اسْتَعْمَلُ الْمُثَنَّ لَا يُرِيدُونَ إِلَّا الْمُثَنَّ. Et lorsque les Arabes emploient le duel, ils ne veulent par ça que le duel. فَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ إِذَا نَفْهَ مِنْ هَذَا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدَيْنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. عَزَّ وَجَلَّ. الْآيَةُ الثَّانِيَةُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah ici a dit: toute chose est vouée à périr, sauf son visage. À lui le jugement, et vers lui vous retournerez. Ma hiya sifa fadil aya. Al-wajh, barakallahu fik. Al-wajh, sifatun lillah azza wa jal. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Hadhi qa'ida, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, tatbiqha fi jami' as-sifat. Walakin, idhan, al-an al-wajh, sifat dhat aw fi'l? Dhat. Sifat dhat. لأن الله لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى. الله parmi ses attributs le wajh azza wa jal, et nous le visage, on sait ce que c'est un visage, mais Allah azza wa jal est parfait dans ses attributs et rien ne lui ressemble. Applique cette règle avec tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le visage est un attribut d'Allah d'entité ou d'action? D'entité. Barakallahu fikum. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة الوجه أيضا وجه ربك. أيضا قال عز وجل ولتسنع على عيني. هذا في سورة طه مع موسى عليه السلام. الله عز وجل ici il s'adresse à Moussa عليه السلام et il lui dit qu'il est sous, que tu es sous mon œil ici. عيني. وهذا نفس الشيء. هذا نفس الشيء. Allah ici a dit une fois. Et dans le Allah عز وجل dans le Coran استعمل العين بصيغة الإفراد كقوله هنا ولتصنع على عيني وبصيغة الجمع كقوله تعالى فإنك بأعيننا ولكن لم يستعملها بصيغة المثنى. Allah Azza wa Jal a employé le mot œil dans le Coran lorsqu'il parle de lui au singulier, et il l'a employé aussi au pluriel. Il l'a pas employé au duel. Il l'a pas employé au duel Azza wa Jal. ماذا نفهم من هذا؟ لابد أن نعرف ربنا عز وجل. Allah Azza wa Jal يريد أن نفهم. Allah il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on le connaisse. سبحانه وتعالى. Donc, أما ذكرها بصيغة الإفراد فالمراد بهذا بيان جنس الصفة لا العدد. Quand Allah Azza wa Jal nous donne cet attribut au singulier, c'est juste pour nous dire qu'il a cet attribut, pas pour nous dire combien. وإذا قال الله عز وجل بأعيننا المراد به المثنى. Lorsqu'Allah Azza wa Jal emploie les yeux au pluriel, il veut nous dire deux. فما الدليل على ذلك؟ لأن الآن نتكلم عن الله عز وجل ولا يجوز الكلام على الله بلا دليل وبلا علم. إلا هذا أعظم الذنوب بعد الشرك. Donc, on a dit que ça veut dire deux, mais il nous faut absolument une preuve, parce qu'on peut pas parler d'Allah comme ça, juste parce qu'on a déduit ou parce que là, on va parler d'Allah sans preuve. الدليل على هذا جاء في صحيح مسلم في قصة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. Le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a parlé du Messie الدجال, il a dit qu'il est borgne et que Allah n'est pas borgne. ما معنى الأعور؟ الذي عنده عينان أحدهما ممسوحة والأخرى يعني حية. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال أعور, معنى هذا له عينان أحدهما لا تمشي والأخرى تمشي أو لا تكون لا يستعمل يعني ها؟ لا يرى بها والأخرى يرى بها. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور؟ حتى تفهم أن له عينين ليس فيهما عيب أو نقص. subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam dit le Messie Dajjal est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Et le mot awar en arabe, qui est traduit par borgne, il veut dire quelqu'un qui a deux yeux, il y en a un qui ne marche pas. Afwan, il veut dire quelqu'un qui a deux yeux et un de ses deux yeux ne fonctionne pas et l'autre fonctionne. Le prophète alayhi salam, quand il nous parle de Dajjal, il nous dit que il est borgne et qu'Allah n'est pas borgne. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'Allah a deux yeux et qu'il n'a pas de défaut contrairement au Dajjal, parce qu'Allah est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'a kama bayyanaha Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah fi su'al hal thabata lillahi al-'aynan thumma dhakara al-adilla wa kalam al-'ulama minhum Ibn al-Qayyim wa Ibn Taymiyyah rahimahumullah wa ghayruhum kathir. Donc on comprend qu'Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux, subhanahu wa ta'ala, et on applique encore la même règle, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, fala nas'al wa la nukayyif wa la nu'attil wa la numathil, fallah lahu 'aynan kamilatan, subhanahu wa ta'ala. Oui, la traduction, mon regard, parce que voilà, c'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe, parce que ici ils t'ont traduit dans le Coran juste pour que tu comprennes la finale. La finale, c'est qu'Allah te voit. Donc ils ont dit Allah regarde. Mais le vrai arabe, tu comprends qu'Allah te voit avec quoi? Avec deux yeux. Subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla fi sourati al-kahf absir bihi wa asmi'. Ma ma'na absir bihi wa asmi'? C'est qu'il a les yeux et les oreilles. هذا غلط كبير جدا. اشتقلتم واحد صالح ها صالح ما شاء الله تسليكي طيب طيب معنى لا يقصد به نفسه عز وجل وهذه الصيغة أبصر به وأسمع صيغة تعجب ومعناها ما أبصره وما أسمعه لا أحد يسمع كسمعه ولا أحد يرى كيبصر كبصره عز وجل. C'est-à-dire en français, comme il est voyant, ils l'ont bien traduit là par contre en français, comme il est voyant et comme il est omniscient. Et c'est une façon pour dire l'étonnement. L'étonnement de ces gens-là. Allah عز وجل ici dit ما أبصره وما أسمعه. Il n'y a pas plus voyant et plus entendant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, barakallahu fik, il veut dire qu'Allah al-basar wa sam'a. Sifatan dhatiyatan. As-sam' wal-basar da'iman lillah azza wa jal. Donc ce verset, il veut nous dire qu'Allah al-basar, la vue, et as-sam', il entend. Mais on ne dit pas qu'il veut dire qu'il a des yeux ou il a des oreilles. Des yeux, oui, on vient de le voir dans le verset, mais des oreilles, la yajuz ithbat al-udhun lillah azza illa bidalil wa ma indana dalil ala dhalik. On n'a pas de preuve qu'Allah a des oreilles, donc on doit s'arrêter. On ne doit pas parler d'Allah azza wa jal. Ça veut, on ne doit pas la nuthbit wa la nanfi. Ma na'rif. Nahnu na'khudh ma akhbarana Allah bihi azza wa jal. On prend les informations qu'Allah nous a données. Et le reste, on n'affirme pas et on ne nie pas sans preuve. On dit Allahu alam, on ne sait pas. Mais ce verset ne veut pas dire qu'Allah a ce que le frère a dit, subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit subhanahu wa ta'ala, c'est pour Allah ici. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Mada nastakhrij min hadhihi al-aya? Ay sifa? Abadan. الآن تتكلم عن الله وأنت لا ترى الله عز وجل فلا يجوز أن تطلق على الله شيئا ما قرأته لأنك ما ترى ربك عز وجل هذا واضح. هل في هذا إشكال؟ On ne peut attribuer à Allah Azza wa Jal que ce qu'on voit, ou que ce qu'on a lu dans le Coran ou dans la Sunna. Et le frère me dit que puisqu'Allah nous dit qu'il entend, ça veut dire qu'il a des oreilles. Et ici, il vient de contredire la parole d'Allah Azza wa Jal. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable et c'est lui qui entend et qui voit. Allah Azza wa Jal ma akhbaraka anna 'indahu udhun. Fala yajuz lak an taqul Allah 'indahu udhun. Hal yajuz lak? طيب. شوف. شوف. اصبر بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ مودي. خلي سي موكي في الكو الله يبارك فيك. اسمع الكلام بارك الله فيك. الله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل أنت تعلم أن الله له أذن؟ هل قرأت؟ فلا يجوز أن تقول الله له أذن. سؤالي واضح، هل تعلم أن الله له أذن؟ هل قرأت هذا في القرآن والسنة؟ هل تعلم أن الله له أذن؟ فكيف تقول على الله ما لا تعلم؟ هل تعلم أن الله له أذن يا أخي؟ لا. فكيف تقول على الله ما لا تعلم؟ هل تعلم؟ Est-ce que tu sais qu'Allah a une oreille؟ Non. Allah a interdit que tu dises sur lui une chose que tu sais pas. قاعدة واضحة. C'est une règle سهلة. C'est une règle très facile. Le musulman, quand il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas dire une chose d'Allah sans preuve. Et aqidatu ahli sunnah wal jama'ah, wa idha aradta bi kalam awdah, aqidatu rasulillah alayhi salatu wassalam, an la nuthbita lillah illa ma athbatahu huwa. La croyance du prophète alayhi salatu wassalam et la croyance des sahaba radiyallahu anhum, c'est qu'on doit affirmer sur Allah que ce que lui a affirmé. وإذا اتبعنا هذه العقيدة كنا من أهل الخير. لأن الله عز وجل قال عن الصحابة وإن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن الله عز وجل quand il parle de la croyance qu'on doit avoir, il dit que si on a la même croyance que la croyance des صحابة, on sera guidé dans le droit chemin. فأنت تقرأ في القرآن أو في السنة tout ce que tu lis de ثابت بالآية وبالحديث الصحيح يجوز أن تثبته لله لأن الله أخبرك بهذا. Tu as le droit de le donner à Allah parce qu'Allah t'a informé de ça. Mais tout ce que tu ne lis pas, tu n'as pas le droit. Parce que quand tu parles et que tu n'as pas lu ça بالقرآن والسنة, tu as parlé في الله بغير علم. والعلماء اختلفوا في ما أعظم الذنوب الشرك بالله أو الكلام بغير علم. منهم من يرى أن الكلام على الله بغير علم أعظم من الشرك. تعرف هذا؟ Les savants ont divergé sur les pires des péchés. Certains voient que c'est le shirk, d'autres voient que c'est de parler sur Allah sans science. Et certains voient que de parler sur Allah sans science c'est pire que le shirk. Donc toi quand tu parles d'Allah Azza wa Jal, tu dois t'arrêter à قال الله قال رسول الله. لا الفلسفة ولا العقل ولا أي شيء من هذا. أنت ترى بالعين ما ندري نحن nous on sait pas comment Allah, on sait que ce qu'Allah al-kalam واضح. Tout ce qu'on dit sur Allah c'est ce qu'Allah nous a informé. إذا ما أخبرنا الله فنقول لا أعلم الله أعلم ولا نأتي بكلام من أنفسنا لأننا نتكلم على الله بغير علم وهذا من أعظم الذنوب. On ne peut pas parler sur Allah sans science. Quand on attribue une chose à Allah, c'est que parce qu'on l'a lu. Si on ne l'a pas lu, si on ne l'a pas lu, on dit Allah wa alam. Wadih? Anta t'es muqtani amla? Muqtani? Muqtani amla, mouch muqtani. Hada a'azam min al-hadith. La, mouch muqtani. Parce que tu m'as dit akmil al-hadith. وفي هذا فائدة كبيرة لي ولك ولنا جميعا ونحن نجلس حتى نتعلم ديننا. ونجلس حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Le but de ces assises, c'est d'apprendre la religion d'Allah et de se rapprocher d'Allah par ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de dire sur lui une chose qu'on n'a pas vue avec Dalil. Donc si toi tu as vu un Dalil dans le Coran ou de la Sunna, tu dis ce que tu as vu dans le Coran ou de la Sunna. Si tu n'as pas vu, tu ne fais pas de aql ou de falsafa avec l'amr alladhi la tara. لأن الله عز وجل أنت لا تراه فكيف يمكن الإنسان أن يثبت لله عز وجل ما لا يرى قد تخطي صحيح أم لا tu peux te tromper, tu peux avoir juste, tu peux faire dire quelque chose de grave. C'est pour ça qu'أنت أمرك الله أن تقف وأن تقول الله أعلم. لأنك إذا قلت الله أعلم أطعت الله عز وجل وسلمت من الذنوب ومن الإثم ومن الكلام على الله بغير علم. Donc quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose que tu n'as pas vue dans le Coran de la Sunna, tu dois t'arrêter et dire Allahu alam. Parce qu'en disant Allahu alam, tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'es préservé de tomber dans ce grand péché qui est le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. وهذه العقيدة التي نتعلمها هي عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. C'est la croyance qu'on est en train d'étudier, c'est la croyance du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. والدين هو دين الله عز وجل. La religion, c'est celle d'Allah. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع وأن نمتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah عز وجل nous a ordonné de suivre et de mettre en pratique sa sunna. قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لمن الضالين وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل حتى يعلمنا الدين. فنحن ننظر هل علمنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الجواب نعم فنحن نقبل ونأخذ. هل ما علمنا هذا؟ إذا ما علمنا هذا فلا يجوز أن نتكلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في هذا فلا يجوز لمثلي أن يتكلم في شيء لم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واضح عندك إن شاء الله؟ أكيد. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. الله سبحانه وتعالى أنفوي للبروفيت صلى الله عليه وسلم pour nous enseigner la religion. La religion qui est celle d'Allah. Car Allah veut de nous qu'on mette en pratique ses ordres et qu'on suive ses ordres. Subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas que l'on vienne avec des choses de nous-mêmes. Il veut qu'on fasse ce qu'Allah nous ordonne de faire conformément à la voie du prophète. Alayhi salatu wa salam. Allah a dit dans le verset, en parlant de lui-même, c'est celui qui est envoyé chez les illettrés, les gens qui ne savent pas lire, un prophète qui vient d'eux pour leur enseigner. بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته pour leur lire, réciter ces versets. ويزكيهم pour les purifier. ويعلمهم الكتاب والحكمة et pour leur enseigner le livre والحكمة et la sagesse السنة. Donc à partir de là on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète est venu pour nous enseigner notre religion comme Allah Azza wa Jalla nous a dit dans ce verset. Alors on doit regarder lorsqu'on parle de la religion, est-ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné cette chose? S'il nous a enseigné cette chose, on la prend, on l'accepte, car on est des serviteurs d'Allah et on veut le paradis. Si le prophète alayhi salam nous a pas enseigné cette chose-là et ne nous a pas parlé de cette chose-là, pourquoi nous après on va en parler? Donc lorsque le prophète nous parle d'une chose, on y croit, on la met en pratique. Lorsque le prophète nous dit pas une chose, si le prophète qui est celui qui connaît mieux Allah et qui est le plus proche d'Allah et qu'Allah a choisi et a envoyé, et on sait qu'il a transmis tout le message, n'a pas parlé de certaines choses, nous on n'a pas parlé de certaines choses. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset, ô vous qui avez cru, n'interrogez pas sur des choses. Si elles vous sont dévoilées, elles vous feront du mal. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا في معنى الحديث فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit Allah vous a prescrit des obligations, ne les perdez pas, ne les gâchez pas. Et à la fin du hadith, il dit et il s'est tu sur des choses, pas par oubli. N'interrogez donc pas sur ces choses-là. فَإِذَا سَكَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ لَنَا نَتَكَلَّمَ عَنْهُ أَبَدًا لَنَّنَا نَعْصِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc lorsque le prophète, lorsqu'Allah عز وجل s'est tu sur une chose, nous après n'avons pas le droit d'en parler. فَإِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي نَتَحَدَّثُ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَنَا نَتَحَدَّثُ عَنْهُ لِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَلِأَنَّنَا نُرِيدُ الْجَنَّةَ والجنة لا يمكن أن ندخلها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. On n'a donc pas le droit de parler des choses qu'Allah n'a pas mentionnées, parce qu'on veut le paradis et on ne peut entrer au paradis qu'en obéissant à Allah سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم. إذا قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah a dit dans sourate Taha qu'il connaît ce qu'il y a devant et derrière eux et qu'ils n'ont de la science que ce qu'Allah leur a donné subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala il a l'ilm. Allah azza wa jal a de la science. Wal'ilm sifatun dhatiyya subhanahu wa ta'ala. L'ilm est un attribut d'entité. Allah muttasif bil'ilm azza wa jal. Wa aydan qawluhu azza wa jal wa kallam Allah Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa. Mada nastakhrij min hadhihi al-aya? Sifa. Al-kalam, jazakallahu khairan. Allah lahu sifatul kalam. Subhanahu wa ta'ala. Takallama bil-Qur'an wa takallama bil-wahi azza wa jal. Allah a l'attribut de la parole. Il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa idha nada rabbuka Moussa an-i'ti al-qawm al-zalimin. Dans sourate Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala a dit et lorsque ton Seigneur appela Moussa pour lui dire va vers le peuple injuste, le peuple de Pharaon. Il y a une petite astuce pour quel moment Moussa t'accueille. Là, tu lis pas la. Non. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa et lui dit va vers le peuple des injustes. Le peuple des injustes, c'est comme Pharaon, c'est le peuple de Pharaon. Anastakhrij madha min hadhihi al-aya? Al-kalam aydan. Lan Allah nada Moussa alayhi salam. On peut pas dire comment et avec quoi. C'est le même problème de هذا تطبق في جميع الاسماء وجميع الصفات. نحن نتكلم عن الله بالقران والسنه. ما عندنا قرآن من عند السنة لا يجوز لا بالعقل ولا بالفلسفة ولا بالشيء. لماذا؟ لأننا نتكلم عن شيء لا نراه فلا بد من خبر الله عز وجل. On ne peut parler de ces choses là qu'avec l'information d'Allah parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. D'accord. Donc ici Allah عز وجل nous dit qu'il a parlé à Moussa عليه السلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. Hada fi surat al-A'raf. Allah Azza wa Jal, après que Adam et Hawa ont désobéi à Allah, après Allah a accueilli leur repentir en mangeant de l'arbre, Allah Azza wa Jal les a appelés et leur a dit ne vous ai-je pas interdit de vous approcher de cet arbre. فَنَسْتَخْرِجُ أَيْضًا صِفَةِ الْكَلَامِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ. Et aussi la parole d'Allah dans surat al-Qasas, et le jour où il les appellera pour leur dire qu'avez-vous répondu à l'appel des messagers. Il reste combien de temps? Ça vient? Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.